Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Cette semaine, propagande et manipulation. Freedom of propaganda is important to our democracy. De Sigelé à Lebon. Les foules sont de retour. Elles montrent de plus en plus leur visage. Quelques auteurs perspicaces. Par le fait seul qu'il fait partie d'une foule, l'homme descend donc plusieurs degrés sur l'échelle de la civilisation. On se doutait qu'un film d'Eisenstein était un film de propagande. Aujourd'hui, on ne se doute pas nécessairement que l'on a affaire à une opération de propagande qui nous vise personnellement. Pourquoi une foule fera-t-elle spontanément ce qu'aucune des unités de cette foule n'aurait fait ? Cette crise a également été un grand moment d'offensive contre la liberté d'expression et a donné lieu à la mise en place d'une propagande gouvernementale inédite. Voulez-vous bien vous présenter aux auditeurs de la radio-télévision suisse, s'il vous plaît ? Je suis Olivier Bosque, je suis directeur de la bibliothèque de l'Arsenal à Paris, qui est un des trois sites de la Bibliothèque nationale de France, mais je suis aussi historien, spécialiste d'histoire des idées et maître de conférences à Sciences Po Paris. On va peut-être commencer par ce par quoi vous-même vous aviez débuté. Si vous nous invitiez à faire une petite promenade rapide, évidemment, de la bibliothèque de l'Arsenal, qu'est-ce que nous aurions à découvrir ? Alors, la bibliothèque de l'Arsenal est un lieu assez méconnu, d'ailleurs, tout d'abord à Paris, mais c'est un lieu assez remarquable parce que c'est un lieu qui a échappé à tous les bouleversements dont le 19e et le 20e siècle ont été le théâtre. C'est un monument historique qui est une de très très grande permanence et sa vocation de bibliothèque remonte au 18e siècle. Mais il y a un épisode que je voudrais rappeler qui va nous mettre presque en condition. C'est ce qui s'est passé le 14 juillet 1789, puisque c'est le moment, comme on le sait, où la foule a pris d'assaut la forteresse de la Bastille pour y libérer les détenus qui y étaient enfermés. Et la foule qui était répandue dans le quartier a ensuite voulu s'en prendre à la bibliothèque de l'Arsenal, qui était une bibliothèque privée à l'époque, qui était la propriété du marquis de Pomy. Et la foule a été repoussée presque à la dernière minute. Alors elle était venue chercher des armes, parce que naturellement le nom de l'Arsenal faisait penser qu'on pouvait y trouver des fusils et des poudres. Mais ce n'était plus le cas, parce que le lieu avait été reconverti en bibliothèque. Et donc la foule a été découragée assez rapidement et elle n'a pas mis à sac le lieu, alors qu'on le sait, les foules révolutionnaires ont fait beaucoup de dégâts à cette période dans Paris, et ça a été le cas tout au long du 19e siècle. Et donc depuis, à l'Arsenal, on a la mémoire de cet événement et on a aussi les archives de la Bastille. C'est sans doute le fond le plus important que nous conservions, puisque une fois que la bibliothèque a été épargnée par les émeutiers, on a décidé d'y rassembler les archives de la Bastille comme témoignage de, finalement, cette tyrannie que la Révolution a abattue. Et on les conserve toujours et on peut venir les lire à la bibliothèque de l'Arsenal. Olivier Bosque, nous nous rencontrons aujourd'hui de loin, évidemment, vu la situation contemporaine. Et avant que nous n'abordions la question de notre entretien, qui aura rapport avec un article que vous avez rédigé sur Gustave Le Bon, interrogeant celui-ci en écrivant derrière son nom, un mythe du XXe siècle, j'aimerais évidemment vous entendre sur la situation dans laquelle vous-même, l'institution dont vous vous occupez, êtes plongé aujourd'hui et avoir de votre part quelques éléments de réflexion. Alors, en tant qu'historien des foules, alors c'est bien prétentieux de se présenter comme un historien des foules, j'ai deux choses qui me viennent à l'esprit. Dans la période effectivement que nous traversons, ce qui marque, eh bien, c'est justement l'absence des foules. l'interdiction des rassemblements, le fait d'être cloîtré chez soi. Et donc je pense qu'il y avait une mémoire qui était très ancienne, de l'inquiétude liée à l'épidémie, à la contagion, que nos générations n'avaient pas connue. Parce que bon, le dernier grand épisode, naturellement, c'est l'épidémie de grippe espagnole. Il y a eu des petites choses dans les années 50, 60, mais bon, notre génération n'a pas été marquée par cette inquiétude, cette peur de la foule, du contact. Et je trouve que c'est amusant parce que ça, dans une certaine mesure, c'est curieux parce que ça réactive cette peur qui était très présente à la fin du 19e siècle, notamment chez les auteurs sur lesquels j'ai travaillé. Alors, vous avez cité naturellement Gustave Le Bon, mais aussi j'ai travaillé sur un de ses prédécesseurs, qui est un Italien, qui s'appelle Scipio Sigele. Et dans ce moment où la sociologie n'est pas encore une science tout à fait établie, la littérature joue une grande part. Alors chez nous, c'est naturellement Zola et d'autres écrivains du 19e siècle qui sont mobilisés. Mais en Italie, c'est le grand écrivain, j'allais dire, du roman national, qui est Manzoni. Et il y a plusieurs passages de son fameux roman qui s'appelle en italien « I promessi sposi », c'est-à-dire « Les fiancés », qui se déroule dans le passé, au moment de l'épidémie de peste qui frappe Milan. Et Sigel utilise ces passages pour montrer finalement les mécanismes de fonctionnement de la foule, de transmission de l'inquiétude, de contagion des esprits. Et voilà, je trouve que la période que nous traversons forme une espèce de reflet de cette période lointaine et réactive des peurs, des inquiétudes que nous ne connaissions plus. Les foules sont inquiétantes quand elles sont présentes, elles sont inquiétantes quand elles ne sont plus là, non plus comme c'est le cas dans la période que nous traversons. Une foule, écrit Tarde, est un ramassis d'éléments hétérogènes, inconnus les uns des autres. Pourtant, dès qu'une étincelle de passion jaillit de l'un d'eux, électrise ce pêle-mêle, il s'y produit une sorte d'organisation subite de génération spontanée. Cette incohérence devient cohésion, ce bruit devient voix. Et ce millier d'hommes pressés ne forme bientôt plus qu'une seule et unique bête. Un fauve innommé et monstrueux qui marche à son but avec une finalité irrésistible. Gabriel Tarde. Olivier Bosque, comment comprendre cet intérêt à la fin du 19e siècle, mais est-ce une occasion nouvelle, de ces regards croisés, de cet intérêt sur ce vaste sujet qu'est la foule? Alors il y a naturellement un moment, j'allais dire dans le dernier quart du 19e siècle, où la foule devient un objet de science, en quelque sorte. Et ça nous donne des produits qui sont les livres de Gustave Le Bon, la littérature, les livres de Gabriel Tarde, de Scipio Sigel. Voilà. Donc c'est plutôt un point d'arrivée. J'ai coutume de dire, alors même si c'est un peu une formule un peu à l'emporte-pièce, quelque chose d'un peu déformé, de dire que finalement l'acte de naissance des foules, c'est la Révolution française. Et c'est le 19e siècle et le moment où la foule devient un protagoniste historique. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas des foules avant, hein, mais la Révolution française marque une césure. Et finalement, le 19e siècle est marqué par une affirmation de plus en plus constante, de plus en plus forte du rôle de la foule. Alors la foule, elle se concrétise comment ? Eh bien, le développement de l'industrie, le développement des villes. Alors naturellement, il y avait des villes avant la Révolution française, c'est pas mon propos, mais toutes ces personnes qui sont arrachées de leur contexte, de leur pagus, de leur contexte rural et qui viennent s'établir dans les grandes villes, les grands centres industriels, ça donne corps finalement à cette foule. Alors à l'époque, la science, la sociologie, qui est naissante, hein, il faut se souvenir qu'à l'époque, les sciences humaines, c'est une espèce de bloc, La science n'est pas la première, finalement, à s'emparer et à parler de la foule. Et il faut chercher plutôt du côté des écrivains, des artistes. Et je pense naturellement à ce poème d'Edgar Poe, qui s'appelle « L'homme des foules ». Très beau poème, un petit peu lancinant, où un narrateur raconte avoir suivi une espèce de personnage blême dans la foule anonyme d'une ville. Il faisait maintenant tout à fait nuit, et un brouillard humide et épais s'abattait sur la ville, qui bientôt se résolut en une pluie lourde et continue. Ce changement de temps eut un effet bizarre sur la foule, qui fut agitée tout entière d'un nouveau mouvement et se déroba sous un monde de parapluies. L'ondulation, le coudoiement, le brouhaha devinrent 10 fois plus forts. Il me vint alors un désir ardent de ne pas perdre l'homme de vue, d'en savoir plus long sur lui. Comme il ne tournait jamais la tête pour regarder derrière lui, il ne fit pas attention à moi. Et la foule était si épaisse qu'à chaque nouveau mouvement, j'étais obligé de le suivre de très près. C'était une rue étroite et longue, et la promenade qu'il y fit dura près d'une heure, pendant laquelle la multitude des passants se réduisit graduellement à la quantité de gens qu'on voit ordinairement à Broadway, près du parc, vers midi, tant est grande la différence entre une foule de Londres et celle de la cité américaine la plus populeuse. Une fois, comme il tournait avec un mouvement brusque, je faillis être découvert. C'est ça qui donne corps finalement à la foule. Et Edgar Poe conclut son poème en disant « L'homme des foules, c'est le génie du crime profond ». Donc cette foule finalement, elle naît des évolutions politiques, des évolutions économiques. C'est pour ça que j'allais dire qu'au terme de cette période, dans le dernier quart du 19e siècle, finalement la science prend le relais et commence finalement à poser des théories, à réfléchir, à chercher des modèles, des interprétations, des explications à ces phénomènes. Il semble qu'il y ait là comme une double naissance, Olivier Bosc, à la fois en effet naissance de la foule auprès des romanciers, des poètes, mais également naissance de la ville. Et la ville, par exemple, sous la plume de Charles Dickens, est représentée comme une espèce de monstre. Il y a quelque chose de neuf, de naissant, de gigantesque, de laid, dont l'énormité même effraie celui ou celle qui tente de l'envisager. Ben c'est exactement ça. Vous êtes je pense au roman de Dickens, enfin The Tale of Two Cities, où il compare Londres et Paris. Et effectivement, voilà, c'est l'acte de naissance de la modernité, avec peut-être un volet séduisant, mais aussi un visage inquiétant. Et ça se passe très précisément au 19e siècle, avec pour parler un peu comme les marxistes, avec la naissance de ce mode de production capitaliste qui arrache des gens à leur campagne et concentre dans les villes, et crée effectivement... Alors, les poètes, les artistes sont les premiers finalement à le percevoir et à réussir à le mettre tantôt en roman, tantôt en poésie, et on n'est naturellement pas sorti de cette période. Ils sont peut-être les premiers à en parler, mais peut-être aussi parce qu'ils sont les premiers à les fréquenter. Les hommes de science sont-ils dans les rues? Sont-ils non loin des caniveaux, lors même qu'un certain nombre d'auteurs, ayant en poche des sous souvent absents, voire percés, concernant les poches, sont beaucoup plus près de cette foule, de ce territoire-là? C'est peut-être un peu plus complexe, il y a peut-être un découpage moins net, mais effectivement, ceux qui s'intéressent, alors on peut parler de foule, on peut aussi parler de peuple. La formule de Michelet, qui naturellement valorise dans un sens très positif le peuple, montre qu'il y a aussi un mécanisme, j'allais dire, alors, peut-être pas employer le terme de descente vers le peuple, mais en tout cas, dans certains secteurs intellectuels, on commence naturellement à se poser la question des conditions justement sociales du peuple, des populations, et la formule de Michelet que je n'ai pas donnée, c'est il parle de la poésie sainte, voilà, du peuple. Donc il y a aussi une attraction qui se joue du côté de ces foules assemblées, de ce peuple, et il y a certains secteurs de l'élite qui commencent finalement à entamer en quelque sorte une marche vers ce peuple. Alors il y a cette ambivalence, hein, il y a, de même que la ville a un visage beau, un visage laid, ben ces classes qui s'affirment, ces classes subalternes qui s'affirment, elles ont un visage positif, c'est le peuple héros de la Révolution française, des grandes révolutions en France du XIXe siècle. Et puis elle a un visage aussi grimaçant, monstrueux. J'évoquais tout à l'heure les foules du 14 juillet, qui sont des foules positives en quelque sorte, qui mettent à bas la Bastille, cette espèce de symbole de la tyrannie et de l'absolutisme. Et puis ces foules ont aussi un visage négatif, un visage inquiétant. Lors des massacres de septembre, c'est par exemple la foule qui va déchiqueter le cadavre de Madame de Lamballe dans un coin de Paris et ensuite mettre sa tête sur une pique et aller la promener sous les fenêtres de Marie-Antoinette, dont elle était naturellement très proche. Et donc il y a cette ambivalence dans ce visage du peuple. On peut penser à La Liberté en Marche, le très beau tableau de Delacroix, et puis naturellement l'émeute qui va en 1848 piller le Palais des Tuileries, en 1870-71 brûler la mairie de Paris, l'Hôtel de Ville... manquer presque de brûler le Louvre. Voilà. Donc il y a cette ambivalence à la fois positive et négative qui s'installe. Et d'ailleurs, la science, quand elle va commencer à s'intéresser à la foule, va chercher à, j'allais dire, reproduire et à créer une forme de frontière extrêmement étanche entre la foule inquiétante, dangereuse, barbare, monstrueuse, et les classes dominantes. C'est là qu'on les premiers textes qui apparaissent sur ces questions recoupent beaucoup ce découpage. Bon, alors vous avez parlé de la ville, on a tous en tête le baron Haussmann et ses travaux d'amélioration, qui sont des travaux, on va dire, d'hygiène, hygiéniques quasiment pour la ville, mais qui prennent en compte aussi des mécanismes de maîtrise ou de contrôle des foules, ou en tout cas, s'il y a une émeute, les grands boulevards, c'est très pratique pour mettre des canons en ligne et pouvoir canonner la foule si elle se montre. Donc il y a cette ambivalence. Olivier Bosque, intéressons-nous effectivement à ces scientifiques qui ont scruté la foule. Nous allons entendre quelques extraits d'un des ouvrages de Scipio Sigelli que j'ai découvert grâce à votre article « Gustave Le Bon, un mythe du XXe siècle ». Donc j'en profite pour vous en remercier. Et d'autant plus que j'ai trouvé l'écriture, stylistiquement parlant, de Scipio Sigelli d'une légèreté et d'une accessibilité absolument remarquable. Pourriez-vous nous donner un peu quelques informations sur lui et puis dans votre réponse inclure son apport dans le domaine de ce sujet qu'est la foule? Alors Sigelli, c'est ma découverte. Alors je l'ai pas découvert tout seul naturellement, puisque son nom, notamment, est cité dans le livre de Freud, aux côtés de celui de Le Bon et de Tarde, qui s'appelle « Psychologie de masse et analyse du moi ». Et donc, j'ai vu cette mention, et j'ai été voir qui était Sigelli. Alors, Sigelli, c'est un personnage assez oublié, qui appartient à une école, elle aussi, très oubliée, qui est l'école lombrosienne, du nom de Cesare Lombroso, qui était ce criminologue italien, personnage très... Un mesureur de crâne. Oui, voilà. Mais je reviens à Sigelli, auquel j'ai consacré un livre qui s'appelle La foule criminelle, publié en 2007 chez Fayard. En fait, Sigelli est le premier à s'intéresser à la foule, finalement, comme objet au départ criminologique. Ce qui l'intéresse, c'est qu'est-ce qui se passe dans une foule, comment peut-on punir, par exemple, dans une émeute, C'est une préoccupation véritablement de juristes, hein, de dire, voilà, est-ce qu'on doit punir tout le monde? Est-ce qu'on doit punir quelques-uns? Est-ce qu'on doit faire comme les Romains, des mécanismes de décimation? Et donc, il est le premier à s'intéresser à la foule et aux mécanismes en jeu dans une foule. Et il fait une découverte fondamentale. Il appartient à cette école anthropologique, c'est-à-dire qui s'attache véritablement au physique. Et son premier mouvement, c'est de dire, une foule criminelle est une foule composée de criminels. Et là, il recoupe naturellement les travaux de son maître Lombroso. Le criminel, à l'époque, c'est une espèce biologique à part. C'est un homme avec des sourcils épais, une forte mâchoire, un crâne particulier. Et donc finalement, c'est très simple. Une foule criminelle, c'est une foule composée de criminels. Et ça, ça fait véritablement reflet et ça donne véritablement écho à cette division sociale que j'évoquais tout à l'heure entre les classes supérieures, civilisées, avancées, éduquées, et les classes subalternes, barbares, arriérées, ataviques. Donc ça, c'est le premier point, finalement, le point de départ de Siguez. Les anciens criminalistes ont toujours affirmé que ceux qui avaient pris part à un crime de la foule devaient être punis de la même façon. Cette théorie avait le double défaut de condenser sur la tête de chaque individu une responsabilité collective et de punir de la même manière celui qui avait conseillé le crime et l'avait dirigé, et celui qui s'y était trouvé mêlé en dehors de sa volonté, simple automate entre les mains d'un homme volontaire et impérieux. Un autre système, non moins irrationnel, employé pour punir les crimes collectifs, était la décimation. On faisait défiler les complices supposés, et celui qui était le dixième devait être fusillé. La chose, comme on le comprend aisément, ne fatiguait pas le cerveau des juges, mais elle blessait mortellement la justice. Après cela, on peut dire que les législations des pays civilisés n'ont pas progressé. Il suffit de constater que même aujourd'hui, dans les cas très fréquents de crimes collectifs, la loi, la jurisprudence et la science se comportent à peu près comme se comportaient les anciens juges. Placé entre ces deux solutions également illogiques et insuffisantes, il arrive souvent que les juges populaires acquittent tous les accusés. Mais l'impunité est-elle juste? Et si elle l'est, pour quelle raison l'est-elle? Si elle ne l'est pas, quel sera donc le moyen de réagir contre les crimes commis par une foule? Le but de cet ouvrage est de répondre à ces questions. La foule criminelle, essai de psychologie collective de Scipio Siguele, 1901. Mais dans son livre La foule criminelle, il fait une découverte fondamentale et qui est vraiment la clé, l'acte de naissance de la psychologie collective ou de la psychologie des foules. Et vous allez voir que c'est une découverte qui fait éclater finalement ce découpage très confortable entre les classes supérieures et les classes subalternes. Il fait la découverte que par des mécanismes de contagion, des mécanismes d'imitation, dans une foule, les hommes sains, les hommes normaux, les hommes qui ne sont pas des hommes criminels, plongés dans une foule, deviennent à leur tour criminels. Et là aussi, il utilise notamment à la fois des faits qu'il a récoltés dans son travail de criminologue, mais aussi des événements rapporté par la littérature. Je pense notamment à des extraits d'un livre. Il y avait un couple d'écrivains, c'était les frères Marguerite, qui avaient écrit une espèce de saga sur la défaite de 1870. Et dans ce livre, il y a un passage où on décrit finalement l'arrivée des prisonniers communards à Versailles. Et Victor Marguerite décrit une foule de gens, de bourgeois, de petits nobles, qui voient arriver cette foule de prisonniers, qui sont des pauvres hères, et qui tout d'un coup se met à les frapper, à cracher sur eux, à leur jeter des pierres. Et Siguele utilise ce passage en montrant que même une foule, j'allais dire, civilisée, normale, de gens avancés sur l'échelle sociale, brutalement, collectivement, régresse. Et ça, c'est véritablement la découverte, j'allais dire géniale, de Sighele. Mais d'où vient cette âme de la foule ? Surgit-elle par miracle ? Est-elle un phénomène dont on doit renoncer à découvrir la cause ? Ou est-elle fondée sur quelques facultés primitives de l'homme ? Comment s'explique-t-on qu'un signe, un mot, un cri provenant d'un seul individu entraîne inconsciemment tout un peuple jusqu'aux plus horribles excès ? C'est une vérité incontestable et incontestée que la tendance qu'a l'homme d'imiter est une des tendances les plus fortes de sa nature. Il suffit de jeter un regard autour de nous pour voir que le monde social n'est qu'un tissu de similitudes. Similitudes qui sont produites par l'imitation sous toutes ses formes. Imitation mode ou imitation coutume, imitation sympathie ou imitation obéissance, imitation instruction ou imitation éducation, imitation spontanée ou imitation réflexe. Et ce qui prouve non seulement l'universalité de l'imitation dans les rapports sociaux, mais aussi son importance, c'est la peine que nous éprouvons lorsque notre imitation n'est pas heureuse. La foule criminelle, essai de psychologie collective de Scipio Sighele, 1901. Alors Sighele n'aura pas beaucoup de chance parce que, bon, déjà, il appartient à une école qui est un petit peu décriée, qui est un peu vue comme une école un peu périphérique, notamment en France. C'est des problématiques autour de la réception de Darwin en Italie, en France. En France, on n'est pas très darwinien, on est plutôt lamarckien, et les lombrosiens sont plutôt rattachés à Darwin. Et c'est là que Gustave Le Bon intervient, et il va finalement voler, en quelque sorte, cette intuition qu'avait développée Sighele, et va en faire un autre livre qui s'appelle « La psychologie des foules ». Alors un dernier mot sur Sighele, et il ne s'est pas intéressé qu'à la foule, il a écrit d'autres livres qui sont très oubliés aussi aujourd'hui, notamment un sur le couple criminel. Il s'est intéressé aux mécanismes, là aussi, d'influence sur ces couples qui se mettent à commettre des meurtres, et il identifie l'incube et le succube, voilà, comme dans un peu la démonologie. Il s'est intéressé aussi aux sectes, avec un intérêt aussi très marqué autour de ce qui se passe à l'époque, autour de l'anarchisme, de certaines sectes religieuses russes. Voilà. Mais voilà, donc Sighele, c'est un grand découvreur, finalement, puisqu'il est le premier à identifier les mécanismes de psychose épidémique qui se passent au cœur d'une foule. Mais il n'aura pas, en tout cas en France, je vais dire, la fortune qu'aura Gustave Le Bon, qui aura l'intelligence de récupérer une partie. Alors, Le Bon n'a pas pillé que Sighele, il a utilisé beaucoup de Tarde, beaucoup d'autres savants, et il écrit cette synthèse en 1895, ce livre qui aura, lui, un écho énorme, qui est la psychologie des foules. Mais vous avez bien fait de relire Sighele, et il faut relire Sighele, dont l'œuvre à l'époque, alors je dis qu'elle n'a pas eu la fortune, elle est extrêmement diffusée, hein, quand même, hein, elle est traduite à l'époque en russe, en serbe, en espagnol, naturellement en français, mais elle n'a pas la durée de diffusion qu'aura Le Bon. Voilà. Demain, nous retrouverons Olivier Bosque pour la suite de cet entretien dans cette semaine consacrée à la propagande et à la manipulation. Lecture de La foule criminelle de Scipio Sighele, Gilles Tessier. Histoire vivante vous a été présentée par Jean Leclerc en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté, dans lequel vous retrouverez demain d'autres développements du sujet. Assistana de production, Corinne Rochat, Valérie Dantan, Daniel Zacker. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. La première, 14h.